Comme chaque mardi, on parle de planète, de notre planète et aujourd'hui de ses plages. Et en ce lendemain d'ouverture de la COP23 à Bonn en Allemagne, il n'y a pas que la consommation des ressources en hydrocarbures qui est préoccupante pour l'avenir de notre planète. Il n'est pas impossible qu'avant que nous ne soyons à court de pétrole, ce soit le sable qui se tarisse. Le sable est aujourd'hui la matière première la plus exploitée au monde, principalement pour la construction. Elle donne lieu à des procédés d'extraction devenus hors de contrôle et à un marché mondial mirobolant compte tenu des besoins croissants en béton et en silicium et de la course à l'urbanisation, principalement sur les zones côtières. La ruée vers le sable, c'est le problème qui va nous occuper dans l'heure qui vient. Bienvenue dans la méthode scientifique. Et pour évoquer les conséquences de cette ruée vers le sable, les problèmes qu'ils induisent sur les écosystèmes marins notamment, et les solutions alternatives à l'emploi de sable dans la construction, nous avons le plaisir de recevoir aujourd'hui Laure Simplet. Bonjour. Bonjour. Vous êtes géologue au laboratoire géodynamique et enregistrement sédimentaire de l'unité de recherche géosciences marines à l'IFREMER. Et nous sommes en duplex depuis les studios de nos confrères de France Bleu La Rochelle avec Éric Chaumillon. Bonjour. Bonjour. Vous êtes professeur à l'Université de La Rochelle, spécialisé en géologie marine, chercheur au laboratoire littoral, environnement et société. Et vous pouvez suivre, eh bien, comme chaque jour, cette émission sur les ondes et en direct sur notre fil Twitter, @laméthodefc. Le sable, drôle de substance. D'un côté, dur, comme un solide. Quand on tombe dessus, tomber de haut sur du sable, on se fait mal. Et de l'autre côté, complètement fluide. Quand je verse, comme ça. Et quelquefois, à mi-chemin. Ici, je verse sur un tas, j'ai un mouvement, mais tout se fige, et je retrouve quelque chose qui est insolide. Et au moment où je le retrouve, ce que les gens ont observé, c'est qu'il se fait ici une pente qui est parfaitement définie, qui est, disons, 30 degrés pour une espèce de sable, peut-être 35 degrés pour un autre, mais qui est parfaitement définie pour un sable. Voilà, extrait des archives du CNRS Images. Vous avez peut-être reconnu la voix de Pierre-Gilles Degenne. C'est en 1997 qui parle du sable, cette drôle de substance, le sable. Pourquoi c'est une drôle de substance, Laure Simplet ? Bah, le sable, déjà, il faut réussir à le caractériser. Pour les géologues, le sable, c'est des éléments qui ont une taille bien particulière, qui va être comprise entre 63 microns et 2 millimètres. Le sable, c'est un produit de la fragmentation des roches, donc par des phénomènes d'érosion liés à aux agents comme l'eau, la glace, le froid, mais également aussi à tous les transports, qu'ils se fassent par manière filiatile en environnement marin, mais également aussi par l'abrasion glacier, qui va permettre de fragmenter ces éléments de roche pour les faire devenir de plus en plus petits jusqu'à atteindre cette taille qu'on appelle les sables. Mais les sables, ce n'est pas uniquement des fragments de roches. Il y a également des sables qui sont constitués de fragments d'origine biologique que vont être les débris de coquillages ou les fragments de coraux, par exemple. Mmh. C'est ça, Éric Chaumillon. En fait, on dit le sable, comme souvent, c'est souvent une introduction à cette émission. On ne dit pas le sable, mais les sables, il faut bien en distinguer. Il y a toute une diversité de sables distincts et on va voir au cours de cette émission qu'ils n'ont pas du tout le même emploi et qu'il y a un type ou une caractéristique de sable particulièrement qui est celui dont on parle et qui s'épuise. Oui, tout à fait. Alors, en dehors de la définition géologique, il y a aussi la définition industrielle de ce qu'on appelle les sables et les granulats. Et c'est vrai que les sables et la granulat, ce n'est pas tout à fait la même définition, puisque pour ce qui est de l'industrie, on pense à des classes granulométriques qui sont inférieures à 125 mm. Donc, du coup, on ne parle pas tout à fait de la même chose. Et c'est vrai que quand on fait des fois des raccourcis dans le langage, ça peut amener à des confusions en termes de volume en particulier. Alors évidemment, il y a plusieurs sables. Oui, il y a des sables différents en fonction des granulométries, comme l'a dit Laure à l'instant. Il y a aussi des sables différents en fonction de l'usure. Et en fait, ça, bah, ça ramène au processus de formation par les glaciers, par le vent ou d'autres agents d'érosion. Alors, on va parler hein, tout à l'heure, dans quelques minutes, justement, des processus de création du sable, ce qui va nous permettre de comprendre les problématiques qui sont liées à son exploitation derrière. Peut-être qu'il faut préciser que plus gros que le sable, ce sont les graviers. Plus petit que le sable, c'est l'argile. Ça va être important. Les silites et l'argile. Voilà, les silites et l'argile. Parmi ces sables, est-ce qu'on peut trouver des formes de dénominateurs communs qui rend tous ces sables différents sous le même taxon de l'appellation sable? Est-ce qu'il y a un composant principal notamment qui fait que tous ces sables ont un point commun à leur simplet? Non, moi je dirais que ce qui leur fait leur point commun, c'est cette taille, voilà, c'est cette gamme de taille, de type de grain qui fait les sables, puisqu'il y a des sables qui peuvent être constitués à 100% d'éléments donc d'origine biologique, qui vont donc plutôt être composés de carbonate de calcium, alors qu'à l'inverse, il y a des sables qui vont être composés majoritairement de grains de type siliceux, donc de quartz par exemple. Éric Chaumillon, le sable que l'on évoque, le sable des plages, le sable marin, là aussi ça recouvre une diversité de sables distincts, différents, qui n'ont d'ailleurs pas tous les mêmes âges géologiques. Oui, bah, ce qu'il faut dire sur les plages et sur les cordons littoraux, ce qu'on appelle dans le jargon de la géologie marine ou de la géomorphologie marine, les barrières littorales, c'est essentiellement construit par les vagues. Hein, donc ça, faut vraiment insister là-dessus, c'est l'agent dynamique dominant. Alors après, localement, il peut y avoir une prise en relais par les courants de marée, il peut y avoir une prise en relais par le vent, bien sûr, pour former les dunes, mais c'est essentiellement les vagues qui nourrissent ou au contraire érodent les cordons littoraux, les barrières sédimentaires. Alors, dès que le niveau de la mer se stabilise, eh bien, en fait, les vagues vont accumuler ces cordons. Et effectivement, bah, quand il y a des variations du niveau de la mer ou quand c'est le substrat rocheux qui s'enfonce ou qui se soulève, eh bien, là, ça va perturber l'équilibre et on va reconstituer une barrière qui va se déplacer. Donc. On va peut-être tout de suite évoquer cette idée très contre-intuitive que le sable vient à manquer, parce que le sable, on en voit partout, on en voit sur les littoraux, mais on pense aussi beaucoup au sable et aux immenses déserts qu'il y a et qui sont répartis partout sur la planète. Pourquoi est-ce que on peut pas aller piocher par exemple dans le sable du désert? Pourquoi est-ce que ce sable du désert n'est pas sur le même régime que les sables littoraux, leur simplet? Alors le sable du désert, il a cette particularité d'avoir un émoussé, un poli qui est lié à l'action majoritaire donc du vent. Qui va du coup générer des grains assez ronds avec un poli particulier et très bien triés, qui vont tous avoir globalement la même taille. Et donc ce type de sable, effectivement, est très différent des sables dits alluvionnaires, qui sont ceux façonnés ou mis en place au sein de lit des rivières, qui eux vont avoir tendance déjà à être un peu plus anguleux et avoir des tailles beaucoup plus variées, qui en font leur spécificité, notamment dans le domaine de la construction pour la confection des bétons. Donc, on est d'accord, Éric Chaumillon, que ce sable, le sable qui vient à manquer, le sable qui est utilisé massivement aujourd'hui, c'est ce sable alluvionnaire et c'est de celui-là dont on va parler au cours de cette émission essentiellement. Voilà, c'est ça. Donc, ce sable alluvionnaire, alors là, il faut induire, proposer un découpage là-dedans, c'est-à-dire qu'il y a effectivement les sables qui sont dans les lits des rivières, lit majeur ou lit mineur, c'est-à-dire le lit mineur, c'est là où coule l'eau, le lit majeur, c'est le lit avec les terrasses fluviatiles de part et d'autre. Donc là, on est à terre, c'est l'essentiel de la production de granulats, et de plus en plus, on se tourne vers la mer. Alors là, on pourrait se dire, mais comment ça se fait que du sable de rivière se trouve sous la mer aujourd'hui? Bien parce qu'il y a eu des variations du niveau de la mer de forte amplitude. Donc pendant le quaternaire, là, pendant les deux derniers millions d'années, environ tous les 100 000 ans, on a le niveau de la mer qui a descendu de 100 mètres. Et donc les rivières se sont prolongées sous le niveau actuel. Et on retrouve à l'heure actuelle, par des profondeurs de 20 mètres, 50 mètres, 60 mètres, d'anciennes vallées fluviatiles qui sont gorgées de ce sable alluvionnaire. On peut, puisque vous êtes à cet endroit, on peut évoquer effectivement, je parlais de différentes datations géologiques. Aujourd'hui, le sable que l'on retrouve sur la plage, le sable qu'on utilise, ce sont autant des sables relativement récents tels que les décrivait Laure Simplet tout à l'heure, que précisément ces sables très anciens qui viennent de l'ancienne période, de la dernière en tout cas période glaciaire, il y a 80, il y a 10 000 ans à peu près, c'est cela, Éric Chaumillon? Oui, bah tout à fait. En fait, bon, le dernier maximum glaciaire, c'était plus précisément il y a 20 000 ans. Et effectivement, à chaque fois qu'on a ces périodes glaciaires, on a les fleuves qui vont inciser, c'est-à-dire qui vont creuser dans les roches encaissantes, parce qu'en raison de la baisse du niveau de la mer, ils vont rattraper leur profil d'équilibre. Donc là, il va y avoir une production détritique, comme on dit, c'est-à-dire une érosion des roches, une altération qui est très importante. Il ne faut pas oublier non plus qu'un des agents d'érosion les plus efficaces, ce sont les glaciers. Donc pendant ces périodes glaciaires, il y a vraiment des charges solides beaucoup plus importantes. Ensuite, ces sédiments, ils sont transportés jusqu'aux embouchures de ces périodes glaciaires. Ça construit des grands deltas. Et puis quand la mer remonte, eh bien, une partie de ce chapelet sédimentaire va accompagner le mouvement de la mer grâce à l'action des vagues et on va retrouver ces sables sur toute la plateforme continentale jusqu'aux littoraux actuels. C'est ça, Laure Simplet, il faut bien comprendre que ces sables, que ces différents sables sont en grande partie, même encore aujourd'hui, générés par le gel, par le frottement avec les glaciers, par des rapports de glaciation, de dégel et de friction avec les roches. À l'heure actuelle, on est bien évidemment encore en train de produire du sable. Probablement dans des proportions bien moins importantes que ce qui a pu être généré effectivement il y a 18 000 ans. Mais malheureusement, à l'heure actuelle, notamment par tous les problèmes, on va dire, ou d'aménagement des bassins versants, une grande partie de ce sable n'est pas amenée jusqu'à nos littoraux. Donc nous vivons à l'heure actuelle dans nos littoraux, on va dire, sur un stock fossile daté d'il y a environ 18 000 ans. C'est ça, on est en train de puiser dans les réserves comme avec les hydrocarbures en quelque sorte. Quoi qu'il en soit, oui, c'est la plupart de nos stocks sableux, ces importants dépôts qui constituent des accumulations importantes de plusieurs mètres d'épaisseur, sont, oui, des dépôts, on va dire, fossiles. Et alors, avant de continuer d'aller comprendre les mécaniques qui se passent sur les plages et qui sont bouleversées par les prélèvements massifs qui sont faits, peut-être qu'on pourrait, parce qu'on va beaucoup parler de la construction et du béton au cours de cette heure, mais le sablé, comme le dit le géologue Michael Weiland, le héros invisible de notre époque, car il est omniprésent dans notre vie quotidienne et vraiment peu de gens en sont conscients, Éric Chaumeillon. Donc il n'y a pas que le béton aujourd'hui, il n'y a pas que la construction, même si c'est les principaux prélèvements, qui utilisent du sable abondamment. Non, effectivement, mais bon, c'est vrai que si on n'avait qu'une phrase à dire, on dirait construction et infrastructure routière, infrastructure de transport, aéroport, voies ferrées, etc. Donc c'est ça le plus grand consommateur. Alors après, effectivement, dans ce développement urbain et face à l'augmentation de la population, on a aussi besoin de sable pour le verre, pour l'électronique. Et pour rebondir sur ce que disait Laure et qu'on a évoqué tout à l'heure et qui me semble très important en matière d'environnement, c'est que souvent, évidemment, par exemple ici, l'émission, c'est le sable et on va focaliser sur les extractions. Mais souvent, en environnement, il y a des problèmes qui sont liés à la multiplicité des impacts de l'homme sur l'environnement. Et là, ça m'a amené à vous donner cette information sur les barrages qui sont en fait qui bloquent le transit sédimentaire depuis les continents vers les océans. Et par exemple, aux USA, un de nos collègues là, qui travaille à l'université du Colorado disait « On a construit un barrage de grande taille, c'est-à-dire de plus de 20 mètres de haut, tous les jours depuis 100 ans aux USA ». Alors, c'est vraiment extraordinairement important. Et ça bloque tous les flux sédimentaires. Évidemment, ça vient rajouter une pression considérable par rapport à ce dont on est en train de discuter. Peut-être repréciser, je le disais dans l'introduction, je ne sais pas si l'un ou l'autre avait des chiffres précis ou remis à jour par rapport à ceux qui sont les miens, mais aujourd'hui, en dehors de l'eau et de l'air, le sable est la matière première la plus exploitée au monde. Laure Simplet ? À l'heure actuelle, oui, le sable est la matière, la ressource la plus consommée après l'eau et l'air. On a des chiffres de consommation, c'est difficile parce qu'on trouve des choses différentes. Moi, je trouve 15 milliards de tonnes d'extraction par an, mais 40 milliards de tonnes d'utilisation par an. Et Éric Chaumeillon, vous, même si peut-être que le delta n'est pas forcément significatif pour nos auditeurs, voilà, vous avez des chiffres. Ce que je pense, c'est que d'après la littérature, personnellement, je n'ai pas fait d'essai de synthèse sur ce sujet-là, mais je pense qu'il y a énormément de marge d'erreur. Ce qu'il faut, c'est retenir les ordres de grandeur, je pense, pour les auditeurs. Donc effectivement, 15 milliards de tonnes ou 20 milliards de tonnes, peu importe, ce que je voulais faire, c'est mettre en regard cette valeur par rapport à ce qu'on sait de la production naturelle des sédiments aujourd'hui par l'ensemble des fleuves, qui est de l'ordre d'une vingtaine de milliards de tonnes aussi, avec aussi des marges d'erreur, puisque bon, chaque spécialiste dira qu'effectivement, il y a un grand manque de mesures sur la plupart des fleuves dans le monde. Mais voilà, en fait, on est dans les mêmes ordres de grandeur. C'est ça qui est important de retenir. Aujourd'hui, on extrait à peu près l'équivalent de ce que tous les fleuves du monde rejettent. Et si une personne a été voir une crue à l'embouchure d'un fleuve, il peut prendre la mesure du phénomène en cours. La méthode scientifique, Nicolas Martin. Il est 4h15 sur France Culture. Vous écoutez La méthode scientifique. Nous parlons du sable et de son utilisation, de son extraction et des périls que cette extraction massive font courir à l'heure actuelle et risque de faire courir à un certain nombre d'écosystèmes, d'infrastructures également, puisqu'on va voir que justement certains des prélèvements les plus importants se font à proximité des grandes métropoles qui sont construites sur les littoraux. Nous en parlons avec Laure Simplet qui est ici à la Maison de la Radio à Paris, qui est géologue, et Éric Chaumillon en duplex avec nous depuis les locaux de France Bleu La Rochelle, qui est professeur à l'Université de La Rochelle, également spécialisé en géologie marine. Peut-être qu'on peut dire un mot, Éric Chaumillon, des mécaniques naturelles, en tout cas de ce qui se passe sur un littoral. C'est-à-dire, il faut peut-être préciser ce que c'est que la dérive littorale et le cycle du sable, le cycle naturel, avant qu'il ne soit perturbé. Voilà, alors donc, on a coutume dans notre discipline de géologie marine de scinder deux types de mouvements sédimentaires le long des littoraux. Il y a ce qu'on appelle les mouvements parallèles au rivage, en anglais long shore, la dérive littorale dont vous parliez il y a un instant, donc qui est assez bien connue, assez bien maîtrisée, parce qu'on peut faire des mesures in situ, c'est-à-dire sur la plage. On peut mettre des courantomètres, des capteurs de pression pour mesurer les vagues. On peut aussi peindre le sable avec des peintures fluorescentes, suivre son transport. Bref, on arrive assez bien à maîtriser ça si on veut bien se donner la peine de faire des mesures. Par contre, là où le bât blesse, c'est pour les transports perpendiculaires au rivage, cross-shore. Pourquoi c'est compliqué? C'est compliqué parce que déjà, tout simplement, c'est en mer. Donc, par exemple, repérer les grains de sable et ensuite identifier leur déplacement est très difficile. Et puis aussi parce que, à l'instar de ce qui se passe aussi sur la plage, dans la zone d'avant-plage, la plupart des mouvements les plus importants, en fait, se sont générés pendant les événements exceptionnels, pendant les tempêtes. La zone d'avant-plage, Éric Chaumillon, précisez-nous ce que c'est précisément. Ah oui. Alors bon, effectivement, on définit la plage, c'est-à-dire la zone de balancement des marées, et puis le prolongement de cette plage sous la mer, on appelle ça aussi la plage sous-marine ou avant-plage. C'est une zone, si vous voulez, sableuse, qui est perpétuellement soumise à l'action des vagues. Voilà. Donc c'est une zone qui est très mobile, qui est très dynamique, et dans laquelle il y a des échanges entre la partie sous-marine et la partie de la plage à proprement parler. Voilà. Très bien. Et donc, pour revenir, puisque vous étiez en train de nous parler de ces mouvements que vous appeliez cross-shore, qui sont un peu plus mal connus, c'est-à-dire ces mouvements perpendiculaires. Oui, effectivement, donc c'est des mouvements qui sont mal connus. Alors, on imagine tout à fait mettre des instruments en mer avant une tempête et les récupérer après, c'est un véritable challenge. Donc, un courantomètre un petit peu sophistiqué, on a vite fait d'en avoir pour 30 000, 40 000 euros avec une cage. Il faut payer aussi un navire pour aller le chercher, pour le mettre en place. Donc, tout ça, ça coûte de l'argent. Et quand on perd des instruments, effectivement, on est assez triste, on a perdu de l'énergie, etc. Et donc, finalement, il y a assez peu d'équipes dans le monde qui ont réussi à avoir des bonnes mesures fiables pendant des événements extrêmes. Et comme je le disais, c'est pendant ces événements que beaucoup de choses se passent. Or, la plupart des formules de transport qui sont utilisées pour prédire les impacts, par exemple, des extractions de granulats, ou pour prédire les évolutions des côtes, reposent sur des formules qui ont été établies à partir de mesures, soit en canal ou dans des conditions relativement calmes. Donc, on comprend comprend bien qu'on passe à côté de pas mal des phénomènes qui sont très importants. Une question, Laure Simplet, le sable, on le trouve jusqu'à... Alors c'est difficile évidemment d'établir une moyenne parce que il doit y avoir un delta, une diversité très importante en fonction des zones du globe et des zones géographiques, mais en moyenne, on retrouve du sable jusqu'à combien de kilomètres derrière la plage, derrière combien de kilomètres du littoral, et surtout sur quelle épaisseur? Est-ce qu'il y a une forme d'épaisseur moyenne ou est-ce qu'on ne peut pas établir de statistiques? Alors, on peut retrouver du sable et en assez grande quantité jusqu'en rebord de plateformes continentales. Donc, c'est la plateforme continentale, c'est le prolongement en mer du continent. C'est la zone, on va dire, qui est comprise entre 0 et 200, 300 mètres de profondeur. Sa distance à la côte, elle est très variable d'une région à une autre. Elle est quasiment absente. Il n'y a quasiment pas de plateau continental en Méditerranée. Alors, à l'inverse, il est très étendu au large de Brest, par exemple. Donc, on ne peut pas vraiment caractériser. Après, on peut aussi retrouver du sable par des profondeurs beaucoup plus importantes, par tout le transit qui se passe dans les canyons sous-marins. Alors, des grains peut-être moins importants, mais on en trouve aussi. Mais il n'y a pas effectivement une épaisseur moyenne type. C'est très fluctuant. Éric Chaumillon sur cette question, et parce que ça va être intéressant quand on va commencer justement à poser les questions d'extraction. Par exemple, aujourd'hui, les principales extractions, elles se font à combien de kilomètres de profondeur et à quel type de distance du littoral? Voilà, alors bon, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que pour que ce soit rentable économiquement, le plus près est le mieux. Évidemment. Ce qui coûte cher, c'est le temps de navire, le temps de transit, les équipages, etc. Donc finalement, les gens, les industriels s'intéressent essentiellement à la partie de la plateforme continentale qui est qualifiée dite d'interne, c'est-à-dire la plus proche du continent, c'est-à-dire des profondeurs comprises entre 0, on va dire, et puis 40 mètres, 50 mètres. Voilà. Et en fait, là, vous avez deux lieux d'accumulation principaux. Il y a donc les anciennes vallées dont je parlais tout à l'heure, donc qui peuvent être colmatées partiellement ou complètement par du sable, et puis aussi des bancs de sable. Donc finalement, c'est soit des remplissages en creux qu'on va exploiter, soit au contraire des bosses sous-marines, des bancs de sable. Et alors, est-ce que l'intuition qui aurait tendance à laisser penser que à cette proximité du plateau continental, à cette proximité du littoral et à cette profondeur, le sable que l'on extrait est plutôt un sable récent, c'est une bonne intuition ou c'est une mauvaise intuition, Éric Chaumillon? En fait, à proximité du littoral, il y a vraiment deux grands ensembles de sable. Il y a le sable qui est perpétuellement mis en mouvement dans la zone d'avant-plage. Donc ça fait une pellicule de surface, si vous voulez, alors dont l'épaisseur n'est pas facile à quantifier. Ça dépend des environnements, de la taille des vagues, etc. Mais bref, il y a une pellicule, un drapage de surface qui est mobile. Et puis en dessous, il y a des stocks qui sont fossiles. Et ce qu'il convient, c'est d'exploiter plutôt... si on doit avoir le choix, les stocks fossiles qui ne sont pas en interaction avec les littoraux actuels. Mais en fait, ce n'est pas si simple que ça, parce qu'on imagine bien que quand on exploite un sable fossile, eh bien, le sable de surface qui est actif, qui est actuel, eh bien, va rentrer en interaction avec cette exploitation. Par exemple, s'il y a un creux, eh bien, ça va le boucher, ça va perturber la propagation des vagues, des courants, etc. Donc, ce n'est pas aussi simple que ça au final. Ce qui nous amène à ces questions d'érosion du littoral, et on va essayer d'en comprendre les phénomènes les plus évidents justement à partir des éléments que vous venez de donner sur l'extraction maritime. On parle aujourd'hui, Laure Simplet, de 75 à 90% de plages mondiales qui reculent. Est-ce que ce sont des chiffres qui vous paraissent sensés? Est-ce que ce sont des chiffres qui sont faits pour alerter? Est-ce que c'est une réalité géologique? C'est une réalité. Après, il ne faudrait pas non plus générer un amalgame. Ce retrait généralisé des plages, il n'est pas uniquement dû à l'extraction de sable. L'extraction de sable, comme l'a déjà d'ailleurs dit Eric en émission, c'est un facteur aggravant d'un phénomène déjà naturel. De tout temps, il y a des plages qui ont été érodées, et à l'inverse, des littoraux qui, eux, étaient en accrétion et avançaient, on va dire, sur la mer. Après, on est en train de vivre une période de réchauffement climatique où on attend une remontée du niveau marin. Donc effectivement, c'est un phénomène qui va avoir probablement tendance à se généraliser avec la remontée de la mer. Alors quels sont les principaux phénomènes qui sont à l'œuvre, naturels ou artificiels, qui conduisent précisément à cette érosion manifeste, importante, 75-90% des plages mondiales, c'est assez significatif, selon vous, Laure Simplet? Alors je ne sais pas si on est encore à l'heure actuelle vraiment en mesure d'identifier, ou en tout cas de prendre la mesure de en quoi le réchauffement climatique et la remontée du niveau marin associé sont en train de générer le recul de nos littoraux. À l'heure actuelle, le principal facteur qui a conduit à cette érosion du littoral, c'est les aménagements littoraux et l'urbanisation qu'on a fait sur nos littoraux, qui ont clairement perturbé un système qui était certes dynamique, mais fragile. Parce que là aussi, on peut peut-être de préciser quelques chiffres. Le littoral abrite trois quarts des grandes métropoles et la moitié de la population mondiale. On parle de trois quarts de la population mondiale d'ici 2025. Donc aujourd'hui, le principe fondateur, en tout cas le plus important de cette érosion littorale, ce sont les constructions humaines, c'est l'aménagement du territoire, pas uniquement les villes, les ponts, les barrages qu'évoquait Éric Chaumillon tout à l'heure. C'est ça. Et puis après, tous les aménagements qu'on a dû mettre en œuvre aussi, parfois pour lutter contre les phénomènes d'érosion qu'on observait, qui ont été également des facteurs aggravants. Et les extractions peuvent également être un autre agent érosif, effectivement, des littoraux. Éric Chaumillon, pour compléter sur ces mécaniques d'érosion consécutives à l'aménagement et au phénomène d'extraction dont on va reparler dans un instant, est-ce que vous avez quelques éléments à apporter de précision? Ce que je redirais, c'est le système côtier, c'est un système qui est effectivement très fragile, qui est régi par trois paramètres. Il y a donc, comme je le disais, les mouvements verticaux. Donc aujourd'hui, il existe des zones sur notre planète qui se soulèvent, des côtes qui se soulèvent. On le voit par exemple au Chili, vous avez un gros séisme magnitude 8 ou plus, clac, la côte va soulever de 8 mètres. Donc pour les Chiliens, ce n'est pas un problème. Vous voyez, il n'y a pas de recul du trait de côte. Il y a d'autres zones comme ça qui se soulèvent. Il y a évidemment la Norvège, la Scandinavie, beaucoup de secteurs en Nouvelle-Zélande, à Taïwan, etc. Bon. Il y a aussi par contre des côtes qui s'enfoncent. Alors là, on dit dans notre jargon subsidence. Donc en particulier les zones de delta. Il y a l'élévation du niveau des mers, donc les variations du niveau des mers. Donc aujourd'hui, effectivement, globalement, le niveau de la mer augmente. Mais attention, ces variations du niveau de la mer, elles ne sont pas équivalentes dans toutes les régions du monde. Il y a des régions qui sont soumises à des élévations plus importantes. Et puis, il y a aussi les apports sédimentaires. C'est le troisième paramètre. Donc finalement, la situation la pire, c'est d'être dans un lieu où le substratum s'enfonce, où on a coupé le robinet sédimentaire et où le niveau de la mer monte vite. Alors des exemples comme ça, on en a plusieurs. Eh bien là, je pense tout de suite au delta du Mississippi. Et il y a un autre paramètre dans ce cycle du sable qu'on n'a pas tout à fait évoqué, duquel il faut certainement dire un mot, c'est la dispersion par le vent. Là aussi, l'urbanisation a beaucoup empêché ce cycle-là. Et en quelle mesure est-ce que ça joue un rôle précisément dans l'érosion des plages, Éric Chaumillon? Alors en fait, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que l'érosion se passe principalement pendant les phénomènes de tempête. Alors pendant les phénomènes de tempête, on a défini, deux situations. Il y a une situation où l'eau ne passe pas par-dessus la dune. Alors à ce moment-là, le sable est arraché et emmené vers le large. Peut-être qu'un jour il reviendra. On ne sait pas quand, on ne sait pas combien de temps ça mettra. Peut-être qu'il reviendra. Et puis après, il y a la situation où la tempête est tellement forte que l'eau passe par-dessus la dune. Alors à ce moment, ce qui se passe, c'est que le sable de la plage, de l'avant-plage de la dune, est transporté vers l'intérieur des terres et reconstruit une barrière. Et ce phénomène de roulement sur lui-même de la barrière, qu'on appelle le rollover en anglais, permet à la plage de se reconstruire. Sauf que si vous avez des constructions sur la dune ou en arrière de la dune, c'est plus possible. Et en général, toutes les zones urbanisées, bien sûr, n'acceptent pas qu'il y ait cette mobilité-là. Et donc, effectivement, pour rebondir sur ce que disait Laure, voilà un facteur aggravant considérable par rapport à cette dynamique des littoraux. Un dernier chiffre qu'on lit beaucoup quand on s'intéresse à ces problèmes d'érosion et d'exploitation ou de surexploitation du sable, on lit qu'en 2100, les plages auront disparu. Là aussi, c'est un chiffre qui est là pour alerter l'opinion, ou est-ce que c'est une forme de réalité géologique, selon vous, Laure Simplet? Alors, les plages telles qu'on les connaît aujourd'hui auront peut-être disparu. Après, moi, je fais partie de ces optimistes qui pensent qu'on va être en mesure de ne pas non plus prélever l'ensemble du sable de toutes les plages du monde. Et donc, il existera de nouvelles plages, mais dans un contexte, finalement d'équilibre avec les nouvelles conditions hydrodynamiques et de niveau marin qui auront été générées. Éric Chaumillon. Oui, ce que je pourrais rajouter aussi, c'est que pour ne pas trop simplifier et pas trop faire d'amalgame, je pense que les situations sont extrêmement variables d'un pays à l'autre, puisque là, c'est vrai que nous, on prend la parole des scientifiques, des géologues, etc. Là, il faudrait donner la parole aux sciences sociales, aux droits, etc. C'est extrêmement variable la gestion de cette ressource d'un pays à l'autre. Effectivement, aujourd'hui, on sait qu'il y a des pays où des plages ont disparu. C'est factuel, à cause de l'action de l'homme. Et il y a des endroits du monde, la France en fait partie, et Laure pourra en attester, où on fait des études, où on surveille les demandes de permis d'extraction, et où les choses se font de façon plus rationnelle, on va dire. La méthode scientifique, Nicolas Martin. Parce qu'avec Nagara, on aimerait bien continuer à pouvoir faire l'amour à la plage pendant encore quelques années. On n'a pas résisté, on avoue, c'est un petit péché de la part de l'équipe de la méthode scientifique, puisque nous parlons tout au long de cette heure de la plage, et plus précisément du sable, de l'érosion des plages et des problèmes liés à l'extraction massive de sable sur les littoraux. Notamment, nous en parlons ici en studio avec Laure Simplet, qui est géologue au laboratoire géodynamique et enregistrement sédimentaire de l'unité de recherche géosciences marines à l'IFREMER, et en duplex depuis les studios de nos confrères de France Bleu La Rochelle, avec Éric Chaumillon, qui est professeur à l'université de La Rochelle, spécialisé en géologie marine et chercheur au laboratoire littoral, environnement et société. On va parler de l'extraction avec vous, si vous le voulez bien, maintenant, et peut-être donner là aussi quelques ordres de grandeur et quelques ordres de valeur, parce que le marché du sable aujourd'hui dans le monde, on l'a dit, c'est la première matière première, c'est la matière première la plus extraite. C'est un marché extrêmement juteux, et surtout, Éric Chaumillon, c'est un marché, il y a un marché officiel et il y a un énorme marché parallèle, il y a une mafia du sable. Oui, alors bon, là encore une fois, comme je disais tout à l'heure, c'est vrai que les situations sont très variables d'un pays à l'autre. Toujours est-il que moi, en tant que chercheur, c'est vrai que quand je m'intéresse aux extractions, au dragage, etc., c'est toujours très difficile d'avoir des chiffres précis. Et j'ai envie de dire, pour ma recherche, parfois je préfère un environnement pas trop perturbé par l'homme, parce que j'ai l'impression de mieux maîtriser les paramètres. Voilà, bref. Alors, en particulier, dans certains pays, effectivement, il y a une véritable mafia du sable. Un des exemples les plus connus, c'est ce qui se passe en Inde, où il y a une véritable mafia, où il y a eu beaucoup de violence, des morts même. On parle de l'organisation criminelle qui est jugée la plus puissante du pays. Donc c'est, c'est-à-dire l'ampleur de cette matière. J'ai pas eu à expérimenter personnellement, mais j'ai entendu dire ça. Ça a été publié dans la littérature scientifique, oui, tout à fait. Alors peut-être qu'on va justement, vous faites bien de le préciser, Éric Chaumillon, préciser les différents régimes, parce que Laure Saint-Plain, en Europe, en France particulièrement, dans un certain nombre de pays, au contraire, l'extraction de sable est extrêmement surveillée, elle est régulée, elle est soumise à un certain nombre d'autorisations, à des contrôles très précis, et on prend soin des littoraux précisément pour ne pas trop perturber les écosystèmes qu'on a pu décrire dans la première partie de l'émission. Oui, c'est tout à fait vrai. En France, et plus largement en Europe, même s'il n'y a pas une harmonisation du régime juridique à l'échelle européenne, de nombreux pays ont mis en place un cadre qui octroie le droit d'aller extraire en mer, moyennant la production d'un document qu'on appelle l'étude d'impact environnemental, qui est un document qui doit présenter des éléments de justification que le projet aura le moins d'effets possible sur l'environnement. On n'est pas naïf, une extraction a des conséquences et des effets, mais en tout cas de pouvoir vraiment s'assurer que le projet qui est visé est celui qui, tout en répondant à des besoins et nécessités économiques, est un projet qui va limiter au maximum les effets, que ce soit sur le trait de côte, les écosystèmes, les activités concurrentes et ainsi de suite. Donc on parle d'extraction, hein, encore une fois, essentiellement, très largement, majoritairement pour le secteur de la construction. Peut-être faut-il rappeler, Laure Saint-Plain, en quoi consiste le dragage? Comment est-ce qu'on extrait du sable? On a dit que ça se passait effectivement pour des raisons économiques le plus près possible du littoral pour que ça coûte le moins cher possible. Mais qu'est-ce qu'on va draguer? Quelle est la machine? Qu'est-ce qu'on prélève? Parce que en prélevant du sable, on suppose bien qu'on ne prélève pas que du sable. Alors, c'est pas que pour des raisons économiques qu'on va près du littoral, c'est aussi pour des raisons techniques, parce que le moyen d'extraire en mer se fait à partir de navires sabliers qu'on appelle des dragues aspiratrices en marche. Ce sont des navires qui sont équipés d'une élinde, alors c'est ni plus ni moins un tuyau qui va permettre d'aspirer du sable et de l'eau de mer au passage du bateau à petite vitesse le long d'une route qui va être suivie. Donc, voilà. Mais donc c'est pas que des raisons économiques, il y a aussi des raisons techniques, parce que vous comprenez bien que pour pouvoir atteindre des profondeurs importantes, il faut des bateaux très gros, très longs, avec justement ces élindes qui soient les plus longues possibles, et donc des infrastructures portuaires après qui sont en capacité d'accueillir ces navires derrière. Et que tout ça coûte évidemment beaucoup plus cher. Or, coûte plus cher, consomme plus de pétrole, de carburant. Donc il y a plusieurs raisons qui justifient également le fait d'être assez proche des côtes. Sur la nature du dragage, quand une de ces dragues passe et extrait du sable, est-ce qu'on sait aujourd'hui, est-ce qu'on a mesuré les impacts sur l'ensemble, non seulement du cycle du sable, mais sur l'ensemble des écosystèmes locaux qui sont touchés? Alors, certains écosystèmes ont bénéficié de programmes importants de recherche, notamment en Manche via des études menées par la Grande-Bretagne. Une partie des écosystèmes français sont également connus. On a quelques informations grâce aux travaux que mènent aussi les industriels dans le cadre de l'obtention de leur titre minier. Après, bien évidemment, tous les écosystèmes ne sont pas caractérisés entièrement et on n'est pas encore en capacité de vraiment maîtriser l'ensemble des effets. Ce qu'on maîtrise peut-être moins, les effets à la rigueur, on a peut-être quand même une idée. On imagine assez simplement que quand cette grande élinde passe sur le fond, elle détruit le bateau. Ce qu'on a du mal à l'heure actuelle à connaître, c'est ce qu'on appelle la résilience et la capacité de recolonisation des habitats. Quelle va être la durée, une fois que les travaux vont cesser, à l'habitat pour pouvoir justement retrouver ses fonctions écologiques? Éric Chaumillon? Oui, ce que je pourrais rajouter, c'est que au-delà du volet biologique, donc le bateau, c'est-à-dire les animaux qui vivent sur le fond, mais aussi les animaux qui vivent dans la colonne d'eau, puisque la remise en suspension des sédiments perturbe la pénétration de la lumière dans l'eau et bien sûr la photosynthèse et tout le cycle de vie qui en dépend. Il y a aussi des conflits avec les activités humaines. En général, c'est les pêcheurs qui travaillent sur certains sites à proximité des zones d'extraction. Et puis, je ramènerai aussi la discussion à nos spécialités. C'est vrai que ce qu'on a beaucoup de mal à quantifier, c'est les impacts sur les transits sédimentaires. C'est-à-dire, moi, par exemple, si on me pose la question de savoir combien de temps va mettre un grain de sable pour éventuellement aller de la zone d'extraction là au large de l'île d'Oléron jusqu'à la côte, je suis bien incapable de répondre. pardon. Il faut dire aussi que les besoins en sable, alors pour la construction, je donne juste un chiffre pour que les auditeurs se rendent compte, puisqu'on parle essentiellement de béton. Le béton consomme énormément de sable. Hein, pour un mètre cube de béton, on parle de 300 kg de ciment qui fait avec du calcaire et de l'argile, 800 kg de sable, une tonne de gravier et 180 litres d'eau. Donc c'est très consommateur. Pour parler des zones qui sont moins regardantes sur les conditions de l'extraction et sur l'extraction sauvage, on parle notamment de conséquences écologiques déjà très lourdes, notamment je pense à l'Indonésie, Éric Chaumillon. Oui, bah c'est un des exemples qui est cité, effectivement. Donc on a des problèmes importants en Inde, on a des problèmes aussi en Indonésie. Alors en relation d'ailleurs avec une cité qui se développe entre autres sur la mer, en pôle d'Érisan, c'est la région de Singapour. D'ailleurs, ça c'est quelque chose qu'on n'a pas évoqué non plus dans le grand ensemble construction, infrastructure de transport. Il y a aussi la poldérisation, c'est-à-dire l'action de l'homme qui consiste à gagner sur la mer. Alors nous, ça nous paraît un petit peu désuet parce que c'est vrai qu'en France, bon bah voilà, ou aux Pays-Bas, c'était des travaux qu'on faisait au Moyen-Âge, mais il ne faut pas oublier qu'aujourd'hui, dans plein de pays du monde, on continue à gagner des terres sur la mer. Et donc pour ça, eh bien, on met évidemment des blocs de roches éventuellement, mais aussi beaucoup de sable et de granulats. Pas à titre d'exemple, hein, Singapour a gagné 130 km carrés d'emprise sur la mer et va certainement arriver dans les années à venir à plus de 200 voire 250 km. On pense également à Dubaï et à toutes ces îles artificielles qui sont extrêmement consommatrices de sable, de construction pour le coup, et effectivement de poldérisation, leur simplet. Bah oui, c'est de là la nécessité, je pense, à un moment de cette voilà, de prendre conscience qu'on a affaire à une ressource qui n'est pas renouvelable à l'échelle de vie humaine et qu'il va falloir arrêter les projets un peu fous. Et il faut parler, enfin, quoi qu'il en soit, le problème qui est... Est-ce que vous avez l'impression aujourd'hui que les instances internationales de surveillance ou de préservation du climat ont pris la mesure de cette érosion, de cette demande croissante en sable, puisque évidemment avec l'augmentation démographique, on l'a dit, de plus en plus de métropoles littorales, de plus en plus de populations dans ces métropoles littorales, donc une demande de béton toujours croissante. Est-ce qu'aujourd'hui il y a des actions qui ont commencé à être lancées, à être prises en cours pour remédier à ce besoin croissant de béton et donc à ce besoin croissant d'extraction de sable, Éric Chaumillon? Bon, là, je vais parler à mon titre, je ne sais pas ce qu'en pense Laure, mais moi j'ai quand même l'impression qu'il y a un gros retard. C'est vrai qu'il y a beaucoup moins de programmes de recherche et de chercheurs et d'équipes de recherche qui travaillent sur ces problématiques-là par rapport à des problématiques typiquement comme l'augmentation de la température, l'élévation du niveau des mers, etc. Donc je pense qu'il y a un retard, je pense que c'est assez problématique, d'autant qu'on voit que bien que certaines disciplines sont extrêmement actives, donc là effectivement les collègues qui travaillent sur le niveau de la mer ou sur les changements climatiques en général, ne sont pas forcément écoutés. Alors on imagine bien que ceux qui ont pris un peu de retard le seront encore moins. Laure Simplet, votre opinion sur ce sujet ? Alors oui, si on réfléchit à l'échelle globale, il y a effectivement des manques, il y a effectivement toute une partie, comme disait Eric, de pans de la recherche qui sont peut-être un petit peu déficitaires en termes de soutien financier, ainsi de suite. Après, moi, je nuancerais quand même le propos, au moins ne serait-ce que pour l'Europe et nos pays européens. Je pense que depuis quand même de nombreuses années, il y a eu une prise de conscience des services de l'État, des gouvernements. Il y a des groupes de travail qui existent depuis quand même de nombreuses années à l'échelle européenne et qui ont essayé de s'accorder sur, justement, quelles allaient être les méthodes à mettre en place, proposer des solutions pour limiter les effets des extractions. Donc dire qu'il n'y a pas de prise de conscience, c'est pas vrai partout dans le monde. On parle évidemment de l'extraction maritime principale. On a entendu tout à l'heure que le sable du désert ne peut pas être utilisé pour faire du béton et pour la construction en raison de ses qualités géologiques. Peut-être y a-t-il d'autres sources d'extraction possibles que le sable maritime? Peut-être, je sais pas, je pense, on a évoqué tout à l'heure les rivières, des carrières. Est-ce qu'on peut diversifier l'emprise de ces ressources en sable pour les exploiter, Éric Chaumillon? Bien, en fait, oui, faut donc là, c'est vrai que c'est quelque chose qu'on n'a pas du tout évoqué. Alors, si je prends la situation en France aujourd'hui, la majorité des granulats, hein, donc la roche granulaire qu'on utilise pour diverses raisons, vient de la fragmentation des roches massives. Hein, c'est-à-dire qu'on a des roches qui sont présentes dans une carrière et on va tout simplement casser, fracturer les roches en petits morceaux jusqu'à obtenir des grains de dimension voulue. Donc ça, c'est vraiment la première source. C'est plus de la moitié d'ailleurs. Hein. Mmh. Ensuite, c'est les alluvions fluviatiles. Donc on est à proximité des terrasses. J'imagine que beaucoup d'auditeurs ont vu ça en se promenant sur les bords de rivières, en Gironde, le long du Rhône, de la Durance, etc. On voit effectivement ces carrières de granulats. Ensuite, il y a le recyclage, qui est quand même une partie importante. Les sables non alluvionnaires et puis enfin les granulats marins qui sont finalement la plus petite partie. Donc là, on parle de la plus petite partie. Par contre, ce qui est clair, c'est que dans un proche avenir et dans un avenir aussi à moyen terme, on envisage de plus développer cette partie-là d'extraction. Oui, Laure Simplet. Alors oui, pour donner des chiffres un petit peu peut-être plus précis, en France, annuellement, il y a à peu près 4 à 5% des sables qui sont produits, qui proviennent de la mer. Donc c'est une part relativement faible. La plupart de nos extractions de sable sont menées à terre, effectivement, dans les sables alluvionnaires. Il faut savoir que depuis les années 90, la France, normalement, sauf exception, mais a interdit l'extraction en lit de rivières pour limiter les effets. Mmh. Et de crues qu'on a pu constater. Qui étaient... Les atteintes aux nappes phréatiques et ainsi de suite. Après, moi, je nuancerais le propos. Je pense qu'on a justement un ministère de l'Environnement qui est tout à fait conscient des enjeux en lien avec cette activité. Et qui n'a pas, à ma connaissance, vocation à, au contraire, développer cette activité, mais plutôt à justement essayer de trouver des solutions de substitution, de développement peut-être du recyclage, et pour l'instant d'assurer simplement un accès à la ressource qui permette de maintenir les besoins de tout un chacun, puisque chaque Français consomme à peu près 5 tonnes de granulats à peu près par an. Donc, Alors évidemment, pour faire face à cette éventuelle future pénurie de sable, des études sont en cours, vous venez de le dire, pour tenter de trouver des solutions de substitution. Bonjour Céline Lozen. Bonjour Nicolas, bonjour à tous. Vous vous êtes rendu dans un laboratoire de physique pour comprendre pourquoi la recherche fondamentale pourrait nous aider aujourd'hui à faire face à une éventuelle pénurie. Oui, l'étude de la mécanique du sable pourrait bien apporter des solutions, notamment l'étude de la géométrie particulière qu'ont les grains du sable marin. Si on parvenait à reproduire cette géométrie de grains avec la même dynamique d'écoulement, on pourrait produire des matériaux avec les mêmes propriétés, mais sans sable. Cela pourrait se faire par exemple avec des débris de verre. Alors on en est encore loin, mais j'ai pu avoir un aperçu de ces travaux avec Stéphanie Deboeuf. Elle est géophysicienne à l'Institut Jean Rond d'Alembert. Aujourd'hui, là, les équations qui sont proposées, qui fonctionnent pas mal, elles dépendent des grains considérés. Est-ce que c'est du sable, des microbilles d'acier, elles vont dépendre de la taille de chaque bille, de leur forme. Ce serait intéressant de savoir comment varient ces paramètres avant même de faire la manip. Alors, vous étudiez les milieux granulaires sur le sable, et là, on est dans votre laboratoire, entouré de toutes sortes de manips. Oui, c'est toujours des expériences que parfois on qualifie de coin de table, au sens où c'est des expériences... Par exemple, j'ai ce dispositif-là, qui fait 2 mètres de long, qui est qu'on appelle un plan incliné, qui permet de contrôler la pente, et puis également le débit des grains en amont, et comme ça on va générer un écoulement granulaire. On va maîtriser la topographie, enfin on n'aura pas une topographie complète. C'est-à-dire la surface, voilà, le profil de la surface. Voilà, c'est ça. Oui, on est sur une pente constante, dont on connaît le frottement au fond, la rugosité, on peut mettre un fond lisse ou un fond frottant, puis on a des parois latérales qui confinent l'écoulement. Et donc, ils vont influencer la vitesse et l'épaisseur de l'écoulement. En fait, à terme, on aimerait avoir des équations avec une modélisation, enfin un terme qui modélise la dissipation dans l'écoulement pour être capable de prédire des écoulements plus compliqués ou dans des configurations plus réelles ou naturelles, disons, que ce soit dans la nature ou dans l'industrie. L'objectif ultime, ce serait d'avoir les équations qui vont bien pour décrire tout type d'écoulement granulaire. Et est-ce qu'avec des lois plus générales, on pourrait éviter d'utiliser le sable à l'avenir avec d'autres types de grains, des billes, par exemple? Oui, enfin, c'est vrai qu'on pourrait imaginer peut-être avoir des lois qui permettent de minimiser la quantité de matière, le nombre de grains, ou savoir quelle forme ou quel matériau donner à ces grains pour en utiliser une quantité moindre, ou savoir quelle est la forme adéquate. Pour l'instant, ces travaux ont été réalisés, alors pas avec du vrai sable, mais avec des microbilles de verre. Donc la taille est fixée et constante et la forme est contrôlée. Et c'est vrai qu'il y a d'autres travaux réalisés par d'autres équipes qui ont montré que faire ces manip-là avec du sable anguleux donne pas exactement les mêmes résultats. Le sable, il est composé essentiellement de quartz. Donc c'est vrai qu'en termes de matériaux, on a à peu près les mêmes matériaux. Alors on soupçonne que, ça c'est des travaux justement numériques discrets qui vont étudier des cas où toutes les particules sont sphériques et puis des mélanges de grains où les particules sont anguleuses. On soupçonne que c'est peut-être les formes des grains et les rotations possibles ou non entre les grains qui changent la réponse du système. Là, on a un petit dispositif expérimental où on a une petite surface chauffante. En fait, sur laquelle on pose un grain ou quelques grains, et donc ceux-ci sont chauffés, la température de transition solide-liquide est atteinte et ils s'étalent. Enfin, on étudie la fusion d'un grain, c'est ça, c'est d'un seul grain. Oui, alors au départ d'un seul grain, parce qu'on a envie de mettre au point un outil numérique qui permet déjà de décrire les transferts thermiques, la transition solide-liquide et les coûts, l'étalement d'un grain, dans le but ensuite, pourquoi pas, d'aller étudier des grains, une multitude de grains qui fondraient. Et si j'en reviens aux applications en industrie, c'est bien cette propriété mécanique. Oui. On cherche des grains anguleux, alors est-ce que ce serait pas une piste d'utiliser le verre et de faire du sable de verre? Oui, alors c'est vrai que c'est des manips qu'on projette de faire. On a acheté là récemment justement de la grenaille de verre et du verre vendu par le même fabricant. Et la grenaille, c'est en fait du verre qui a été fracturé et donc c'est des tout petits fragments anguleux justement. Et donc, c'est vrai qu'on souhaitait, pour un même matériau, mais avec des particules aux formes différentes, aller vérifier la différence de comportement. Et alors, justement, sur ce verre pigné, est-ce qu'on peut voir, avec cette expérience-là, que l'écoulement ou vos résultats sont à peu près les mêmes que du sable réel? On aimerait faire ces expériences-là, et à nouveau, en les couplant à des études numériques, pour comprendre, est-ce que finalement, pour retrouver les mêmes résultats avec la grenaille de verre qu'avec les microbilles de verre, est-ce qu'il faut qu'on se situe dans un autre régime, c'est-à-dire à des pentes différentes, des débits différents, ou alors est-ce qu'il y a vraiment quelque chose de fondamentalement différent qui fait que peut-être la rhéologie, l'étude de l'écoulement, du rapport, la relation entre force et vitesse dans un écoulement, ou relation entre contrainte et taux de déformation dans un écoulement. Cela pourrait ouvrir des perspectives assez intéressantes. Oui, oui. Alors, c'est vrai qu'il y a a priori de bonnes chances, parce que là, je vous citais le cas du plan incliné où sable et microbilles de verre ne donnent pas exactement les mêmes résultats. Mais dans d'autres types d'écoulements, par exemple, si on regarde des écoulements en rhéomètre, donc un rhéomètre, ça vient, c'est le même mot que rhéologie, rhéométrie, c'est un écoulement, disons, à plus petite taille, où on contrôle le nombre de paramètres. C'est vrai que dans ces géométries-là, qu'on met du sable ou des microbilles de verre, les résultats peuvent être compris de la même manière. Donc c'est vrai qu'on a des bonnes raisons de penser qu'on puisse aussi appliquer à des matériaux, des grains de forme plus complexe, toutes les connaissances qu'on a acquises sur les microbilles. Et oui, donc ça voudrait dire que toutes les études, que ce soit donc théoriques, numériques ou expérimentales, faites sur des microbilles, donc des sphères de forme bien contrôlée, puissent s'appliquer à des matériaux plus réels. Voilà, quand la recherche en physique théorique et mécanique essaye de trouver des solutions à une éventuelle pénurie de sable, une réaction peut-être l'un et l'autre à ce que vous venez d'entendre, Laure Simplet? Voilà, c'est qu'il existe quand même des solutions et qu'il faut peut-être garder justement un peu d'optimisme. Je ne sais pas si c'est pour demain. Après, je sais que peut-être de manière moins importante, mais voilà, déjà tout... Il y a une dizaine d'années, le recyclage, c'était à peine 1 ou 2% de la part des granulats produits en France. Alors, le recyclage de béton, plutôt. Le recyclage des matériaux de démolition de chantier. et aussi de l'industrie, ce qu'on appelle les laitiers, donc qui vient de la sidérurgie et des choses comme ça. c'était voilà 1 ou 2%. À l'heure actuelle, c'est 10%. Donc, en l'espace de 10 ans, on a voilà multiplié par 10 cette capacité-là. Il y a aussi des travaux de recherche, je pense, qui sont menés pour essayer d'utiliser un peu moins de sable, justement, dans les bétons, de pouvoir recycler les bétons pour refaire des bétons. Donc oui, on avance et la recherche est là pour ça. Éric Chaumillon. Oui, bah tout à fait. C'est sûr que c'est une des pistes à envisager d'optimiser le recyclage. Et puis il y a toujours une chose à laquelle je pense, c'est d'éviter le gaspillage aussi, hein, c'est-à-dire de faire des constructions, des infrastructures uniquement quand on en a besoin. Avec toujours ce problème, c'est que vous le disiez, on en a parlé au cours de cette heure, l'extraction, que le sable est à portée de main, que ce qui coûte c'est évidemment les bateaux, mais que l'extraction peut se faire à moindre coût, alors que le recyclage pour le moment est toujours plus coûteux que l'extraction elle-même, et encore plus évidemment que l'extraction sauvage, leur simplet. Oui, donc pour ça, je ne sais pas quelles sont les solutions, de faire peut-être des pressions sur les États, hein, qui n'ont pas encore peut-être mis en place de moyens de contrôle et de cadre juridique. Après, voilà, on vit dans un monde où chaque État n'est pas encore au même niveau de développement et on ne peut pas juger ou en vouloir à ces États de vouloir assurer leur développement. Éric Chaumillon. Oui, c'est vrai qu'il faut toujours avoir beaucoup de prudence et discernement. Par exemple, en France, on extrayait encore du sable sur les plages, sur les dunes, il y a quelques décennies, hein, jusqu'à la Deuxième Guerre mondiale. Moi, par exemple, j'habite à La Rochelle, et effectivement, et on a un cordon dunaire là, qui a été largement submergé, rompu lors de la tempête Xynthia. Et bien, en fait, ce cordon dunaire qui ne fait plus que 30 mètres de large, dans une période historique récente, hein, c'est-à-dire 18e siècle, début 19e, faisait 300 mètres de large. Donc en fait c'est bien l'homme qui a appauvri, qui a érodé ce cordon et qui a accentué la catastrophe. Et donc on l'a fait, mais c'était il n'y a pas si longtemps que ça. Un mot peut-être pour conclure, puisque c'était aussi l'actualité, la COP23 a commencé. Et c'est vrai que dans ces problèmes qui sont liés à l'épuisement des ressources naturelles, on entend évidemment beaucoup parler des hydrocarbures, des problèmes de dérèglement climatique. Une fois de plus, est-ce que vous avez le sentiment que dans ces grandes réunions internationales, la place de cette question liée à l'économie, au cycle et à l'extraction du sable est suffisamment prise en compte? Est-ce que il y a quelque chose là qui est en train justement aussi d'accéder à la conscience collective, ou en tout cas à la conscience des puissances dirigeantes, à votre avis, leur simplet? Peut-être pas suffisamment, comme on s'est beaucoup plaint que le domaine maritime était un peu négligé aussi dans tous ces grands débats internationaux sur le changement climatique. Mais voilà, votre émission, elle en atteste. Les gens commencent à prendre conscience des problèmes et il faut rester optimiste et les choses vont probablement évoluer. Éric Chaumillon, s'il y avait un message à envoyer peut-être aux dirigeants ou aux différents responsables de grands organismes, qui soient des organismes de recherche, des organismes publics, gouvernementaux, autour de cette question liée au cycle du sable, quel serait-il? Est-ce que vous avez l'impression qu'il est un peu en train d'être perçu, en tout cas, comme vient de le dire Laure Simplet? Je pense qu'il y a un vrai paradoxe, c'est-à-dire que quand on imagine des collègues chercheurs travailler sur des planètes lointaines ou sur le noyau ou sur je ne sais quel objet particulièrement éloigné ou peut-être complexe, on se dit oui, c'est normal effectivement. Puis là on se dit tiens, il y a quelqu'un qui travaille sur une plage, sur un estran, c'est un peu bizarre, moi j'habite à côté, j'ai l'impression de tout comprendre, quand il y a une tempête le sable s'en va, etc. Et c'est vrai que je pense qu'il faut, moi mon message c'est de souligner notre manque de connaissances, hein. Comme je l'ai dit, par exemple sur ces transports sédimentaires, sur le temps que met un grain de sable pour s'acheminer depuis la plage vers l'avant-plage ou vice-versa. Et donc je pense qu'il faut investir dans la connaissance, puisque aujourd'hui encore, on a une forte lacune de connaissance. Et donc c'est vraiment pour moi essentiel. Et comme ça, on prendra des décisions qui seront les plus rationnelles possibles. Un message d'optimisme donc que l'on entend de votre part à tous les deux, et ça fait du bien parce que quand on parle d'environnement, on a souvent du mal à terminer l'émission avec un message un peu optimiste. Merci en tout cas à tous les deux, Laure Simplet, Éric Chaumillon, d'avoir accepté notre invitation. Merci à nos confrères de France Bleu La Rochelle pour le duplex. Peut-être un mot, vous vouliez parler d'un site sur le site du ministère de l'Environnement, Laure Simplet, qui est sur lequel on peut aller se renseigner. Oui, voilà, pour les gens qui seraient intéressés par le contexte des extractions nationalement, le ministère tient un site qui s'appelle Minéral Info, qui donne pas mal d'informations. sur le cadre juridique. Ouais. Voilà, le lien va être mis instantanément sur notre fil Twitter. Également, une fiche que vous avez produite sur ces questions, Éric Chaumillon, que vous pouvez trouver sur le site de l'Institut Océanographique, dont on va vous mettre le lien sur Twitter. Et puis, votre documentaire qui a été diffusé sur Arte, Le Sable, enquête sur une disparition, qui est disponible sur la plateforme YouTube. Tout ça est retrouvable sur le fil @laméthodefc ou sur la page de La Méthode Scientifique sur franceculture.fr. Merci à toute l'équipe. Je vous remercie aussi beaucoup de nous avoir invités. C'était vraiment très agréable de pouvoir diffuser ces connaissances. Merci beaucoup Éric Chaumillon. Merci à vous deux. Merci à toute l'équipe de La Méthode Scientifique. Céline Lezen, Antoine Beauchamp, Eve Etienne, Noémie Naguette, Saint-Jules Franc, Hugo Bartholomé, Elisabeth Miro à la réalisation, Nicolas Delmas à la technique et Victor Buton au droit d'auteur. La suite de vos aventures sur France Culture, tout à l'heure après le journal de 18h vers 18h20, Hervé Gardette se demandera aujourd'hui si la lutte contre le chômage devient une lutte contre les chômeurs. Dans un instant, c'est le deuxième épisode de la série documentaire sur les prix littéraires par Stéphane Bonnefoy et Guillaume Baldi. Pour ce qui nous concerne, demain, il sera question d'un changement de paradigme technique qui a bouleversé une large partie des domaines de recherche scientifique et jusqu'au quotidien des citoyens et des chercheurs. L'impression 3D, c'est à demain 16h, jusqu'à preuve du contraire.